Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, quel est le programme de cette semaine? Alors aujourd'hui, on a une programmation très diversifiée puisqu'on va retrouver le discours d'un roi, Thelma et Louise, Philomena, Furio, La Favorite et Officier et Gentleman. Parfait Francine, alors retrouvons-nous dans quelques instants pour une belle programmation. Alors commençons comme d'habitude par la BO coup de cœur avec Le discours d'un roi qui est un biopic réalisé par Tom Hooper, donc, est sorti en 2011. Ce film raconte comment Albert di Berti, duc d'York, devenu roi malgré lui en 1937 suite au décès de son père George V et à l'abdication de son frère Édouard VIII, a surmonté donc son bégaiement grâce à Lionel Logg, orthophoniste autodidacte d'origine australienne. Alors le film commence et se termine par un discours mais traite en réalité de l'amitié orageuse qui lia les deux hommes, l'altesse royale qui refusait d'être appelée par son diminutif et le docteur qui s'obstinait à ne pas respecter les règles de bienséance et à user de méthodes peu conventionnelles. Pour délier donc la langue de son patient, il l'incitait notamment à débiter des chapelets de jurons qui ont valu au film une interdiction au moins de 17 ans aux États-Unis. Alors le film a été récompensé par 4 Oscars en 2011, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Colin Firth et meilleur scénario original. La bande originale du film a été signée par le maître Alexandre Desplat. Il obtient justement pour ce dernier un Grammy Awards et un BAFTA Awards de la meilleure musique de film. Et alors écoutons tout de suite, sans plus attendre, un extrait de cette BO avec le morceau The King's Speech. Alors, après le discours d'un roi, passons à la BO comédie Thelma et Louise, un film américain réalisé par Ridley Scott en 1991. Avec Gina Davis dans le rôle de Thelma et Suzanne Sarandon dans le rôle de Louise, le film raconte l'histoire de deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Ce film met également en scène Harvey Keitel ainsi que Brad Pitt, dont la carrière a été lancée par ce long métrage. À sa sortie, ce film a suscité une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il mettait en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. Thelma et Louise fait partie des nombreuses collaborations entre Ridley Scott et le compositeur Hans Zimmer, comme par exemple Black Rain de 1989, Gladiator en 2000 ou encore Hannibal en 2001. Alors, ce n'est pas une musique de Hans Zimmer que nous allons retrouver pour ce film, mais une chanson interprétée par Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy et Jordan. Voilà, c'était un extrait de la BO du film, donc Thelma et Louise. Passons maintenant à la BO Émotion avec Philomena, un film de Stephen Frears, donc sorti en 2014 avec Judi Dench et Steve Coogan. C'est l'histoire vraie de Philomena Lee, une adolescente irlandaise rejetée de sa famille car enceinte et contrainte d'accoucher dans un couvent. À l'âge de 3 ans, il lui est arraché pour être adopté par les Américains. Pendant des années, Philomena essaie de le retrouver. Quand 50 ans plus tard, elle rencontre Martin Sixsmith, journaliste déshabillé, abusé. Elle lui raconte son histoire et ce dernier l'aperçoit de l'accompagner aux États-Unis à la recherche d'Anthony. Le jury de la Mostra de Venise a été conquis par Philomena, puisqu'il lui a décerné, lors de son édition de 2013, le prix Osella, qui récompense le meilleur scénario. Alors, comme pour le discours d'un roi que nous avons écouté tout à l'heure, la BO de ce film est signée Alexandre Desplat et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cette BO avec le titre Philomena. Alors maintenant, coup de projecteur sur Furio, un film de Nagisa Oshima sorti en 1983. Alors ce film se déroule en 1942 à Java, dans un camp de prisonniers américains dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer interprété par Ryuichi Sakamoto. Un soldat anglais, Jake Sellers, interprété par David Bowie, engage une résistance féroce face à ce capitaine craint et méprisé par ses subalternes et les prisonniers. Face à son attitude provocante, Yonoi devient de plus en plus sévère dans le but de faire plier le rebelle. Ce film est inspiré d'une histoire vraie et un des objectifs était de montrer l'expérience atroce des camps de prisonniers. Donc une des particularités de Furio est donc qu'il a eu pour acteurs deux chanteurs-compositeurs de renom, David Bowie et Ryuichi Sakamoto, leader du groupe Yellow Magic Orchestra. Et c'est Ryuichi Sakamoto qui a composé la BO mythique de ce film. La partition oscille entre composition symphonique classique occidentale, sonorité traditionnelle japonaise et musique électronique expérimentale. Alors le titre original du film est « Merry Christmas, Mr. Lawrence ». Le terme « Furio » correspond au nom donné aux prisonniers de guerre par les soldats japonais. La bande originale du film permet de décrocher un BAFTA Award de la meilleure musique de film en 1984. Donc écoutons sans plus attendre un extrait du titre « Merry Christmas, Mr. Lawrence », musique envoûtante qui retrace bien l'ambiance du film. « Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO. Vous venez d'écouter la BO du film donc Furio. Nous continuons avec maintenant la séquence BO historique avec La Favorite, un film sorti en 2018 et réalisé par le grec Yorgos Lanthimos. Le film est un biopic sur l'histoire de la reine Anne, reine d'Angleterre au XVIIIe siècle, prodigieusement interprétée par Olivia Colman. Dans ce film, ce sont les femmes qui se livrent bataille, des femmes à qui Yorgos Lanthimos ne fait pas de cadeaux, les montrant entièrement occupées à satisfaire leurs plaisirs et leurs ambitions. À commencer par la souveraine elle-même, enfant gâtée, capricieuse et instable, que de violentes crises de gouttes mettent à plat et qui est peu intéressée par les affaires du pays en guerre contre la France ou la misère de son peuple. La Favorite était avec Roma en tête des nominations aux Oscars 2019, avec pas moins de 10 citations. Le film n'a remporté finalement qu'une seule, mais majeure statuette, celle de la meilleure actrice pour Olivia Colman, qui au passage a pris 16 kilos pour interpréter le rôle de la reine Anne. Sa performance avait déjà été saluée par un Golden Globe et un BAFTA. Alors pour son drame donc historique, Yorgos Lanthimos a choisi de la musique de divers compositeurs tels que Handel, Vivaldi ou Bach par exemple, ainsi qu'une version au clavecin de la chanson d'Elton John, Skyline Pageant. Je vous propose donc d'écouter donc tout de suite ce morceau donc d'Elton John. Just let me wake up in the morning to the smell of newborn hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring and open up this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you've left so very far behind. Alors maintenant, place à la BO Romance avec Officier et Gentleman, un film de Taylor Hackford sorti en 1983. L'honneur Zach Mayo, interprété par le séduisant Richard Gere, joue le rôle d'un fils de sous-officier de marine, alcoolique et coureur de prostituées, qui s'engage dans l'armée pour devenir officier aviateur. Il doit faire face au sergent instructeur Follet, rôle attribué à Louis Gossett Jr., qui lui mène la vie bien plus dure qu'aux jeunes recrues de sa section, car à ses yeux, Jack n'est pas digne de devenir officier. Et Zach tombe amoureux de Paula, interprétée par Debra Winger. Pour le rôle du sergent Emile Follet, les producteurs ont donc penché pour Louis Gossett Jr., après avoir un temps envisagé Jack Nicholson. Bonne pioche avec ce personnage qui va le révéler aux yeux du grand public. Il va aussi rentrer dans l'histoire en devenant le premier Afro-Américain à décrocher l'Oscar du second rôle en 1983. L'autre Oscar par Officier et Gentleman fut celui de la meilleure chanson grâce à Up Where We Belong, écrite par Will Jennings et interprétée en duo par Joe Cocker et Jennifer Warnes, interprète que l'on retrouvera dans un autre duo culte, The Time of My Life, la BO mythique de Dirty Dancing que nous avons déjà entendu sur la boîte à BO. Nous avons donc choisi de vous faire écouter ce morceau de Joe Cocker, Up Where We Belong. Time goes by.